الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, inshallah, c'est notre deuxième cours, le dars الثاني du livre qu'on va lire ensemble, inshallah ta'ala, شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce livre-là a été écrit par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah. L'imam al-Tirmidhi, huwa min a'immati al-hadith. Il fait partie des grands savants du hadith. Et il a écrit un livre dans lequel il a recueilli des hadiths. Jama'a fi kitabin hadith lil-Nabi alayhi sallatu wassalam. Al-kitab al-ma'ruf al-mashhur sunan al-Tirmidhi. Le livre des sunnah, c'est-à-dire le livre des hadiths. Recueil de hadith de l'imam al-Tirmidhi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Yuqal hissu al-lubab yadhhabu bil-lubab. Les gens, quand ils parlent arabe, ils disent que la mouche quand elle passe et elle touche quelqu'un ou elle passe devant quelqu'un, elle fait partir la concentration de la personne. Tawfiq, il est en train de mettre des piles, il n'y a plus personne qui est concentré dans le kalam. Donc on va lire ensemble, on va essayer de lire ensemble le livre inshallah. On essaie Allah Azza wa Jalla de nous barika fina. Demande à Allah qu'il nous aide, qu'il nous mette qu'il nous donne son aide et sa baraka, sa bénédiction subhanahu wa ta'ala. Et comme la semaine dernière c'était le premier dars, le premier cours, et qu'aujourd'hui il y a plus de gens que la semaine dernière, et il y a des gens qui n'étaient pas là, qui n'ont pas entendu le premier cours, on va répéter certains points qu'on a déjà cités la semaine dernière. Déjà, qu'est-ce que c'est Shama'il al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? De quoi on parle? Pourquoi on doit apprendre ces choses-là? Pourquoi on doit connaître notre prophète alayhi salatu wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ja'alahu Allah ja'ala al-Nabi alayhi sallatu wa sallam khiratan nas min khalqih. Il en a fait le meilleur des hommes. Wa akmala lahu awsafahu al-khalqiyya wal-khuluqiyya. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète alayhi salatu wassalam les meilleures descriptions, les meilleures qualités, les meilleures descriptions physiques et morales. Son comportement était le meilleur et en même temps son physique était le meilleur alayhi salatu wassalam. Et il a été envoyé par Allah azza wa jal pour nous guider, parce que sans le prophète alayhi salatu wassalam, sans la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut être bien guidé. Il nous a tout appris. Allamana kulla shay alayhi salatu wa sallam. À un point où yaqul sahabiyun min as-sahaba radiyallahu anhum, allamana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kulla shay arwihi bil ma'na hatta al-khira'a. والخراءة أدب قضاء الحاجة كيف نقضي الحاجة. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a enseigné toutes choses, même le comportement qu'on doit avoir quand on accomplit ses besoins. Même ça, on le fait avec sunnah. Même quand on dort avec sunnah. Quand on se réveille avec la sunnah. Et c'est la guidée du prophète عليه الصلاة والسلام. Et le musulman, il doit connaître son prophète. Et la semaine dernière, on a expliqué pourquoi on doit le connaître, pourquoi on doit savoir comment il est. Qu'est-ce qui peut me répéter ce qu'on a dit un peu la semaine dernière? Hein? Pourquoi tu dois connaître ton prophète? Alayhi salatu wa salam. Abdelaziz. Pour l'aimer. Parce que on a l'obligation de l'aimer. Alayhi salatu wa salam. ومحبته فرع عن معرفته. وكلما ازدادت معرفتنا به عليه الصلاة والسلام ازدادت محبتنا. Car on doit aimer le prophète عليه الصلاة والسلام. Et plus on le connaît, plus on l'aime. Moins on le connaît, moins on l'aime. Et on l'a dit la semaine dernière qu'il y avait chez les sahaba radiyallahu anhum des gens qui avant l'islam détestaient le prophète alayhi salatu wassalam, à un point où il lui dit ya Rasulallah, dans le sens de sa parole, lam yakun ahadun abghada ilayya ala wajhi al-ard mink. Il lui dit au messager d'Allah, je n'ai pas détesté quelqu'un plus que toi sur toute la terre. Après il lui dit والآن أنت أحب إلي من على وجه الأرض أحب الناس إلي على وجه الأرض. Et maintenant tu es la personne que j'aime le plus sur terre. Qu'est-ce qui a fait la différence? Avant il ne connaissait pas, et quand il l'a connu il n'a pu que l'aimer. فالذي يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن له إلا أن يحبه. Il ne peut que l'aimer. Wallah, il ne peut que l'aimer celui qui connaît le prophète alayhi salatu wassalam. Donc si on veut aimer le prophète, on doit le connaître et on doit lire ces choses là on doit savoir comment il est, et on doit connaître sa description physique aussi. On doit connaître comment il était, comment ses cheveux étaient, comment son visage était, de quelle taille, ses épaules, comment il marchait, et toutes ces choses là on doit les connaître. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, fait sahih muslim, il a dit ashaddu an-nas min ummati hubban li nas yakununa ba'di ya yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit les gens qui m'aiment le plus sont des gens qui viendront après moi et qui souhaiteront me voir à un point où ils seront prêts à donner leur famille et leur argent pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Et nous on doit arriver à ce niveau là même si on n'est pas encore arrivé, on doit arriver à ça. Et si on ne connaît pas le prophète alayhi salatu wa sallam, on ne va jamais arriver à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la maison, dans des maisons de gens musulmans, quand tu lui ramènes un sunna, il déteste. Il dit hada dinun jadid. Il dit c'est une religion nouvelle. Qui t'a raconté ça, etc., etc. Pourquoi? Ma huwa sabab? La ya'rifu an-nabi alayhi salatu wassalam. Il ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il connaissait le prophète alayhi salatu wassalam, il ne permettrait jamais à sa langue de bouger pour dire des paroles comme ça. Quand on lui dit qala rasulullah alayhi salatu wa salam. Donc maintenant on voit l'importance de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa anzuru min a'zam ni'amillah alayna bada'na al-kalam bi khams daqayq. Kam marra qulna sallallahu alayhi wa sallam. Regardez les bienfaits d'Allah sur nous. Quand on étudie le prophète alayhi salatu wa salam, ça fait 5 minutes qu'on parle et on a dit déjà au moins 30 fois sallallahu alayhi wa sallam ou 40 fois. Et ça aussi, ça fait partie des bienfaits d'apprendre qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qui peut me rappeler pourquoi on doit connaître le prophète alayhi salat wa sallam? Deuxièmement, parce qu'on doit le suivre. Et celui qui le suit, il va entrer au paradis. Celui qui ne le suit pas, il est privé du paradis. الذي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة الذي لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في النار. Celui qui le suit, il est au paradis. Celui qui ne le suit pas, il est en enfer. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وفي رواية فقد أبى رفض أن يدخل الجنة. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit entre en enfer. Et une autre fois il a dit celui qui me désobéit refuse d'entrer au paradis, il veut entrer en enfer. C'est la deuxième chose. Troisième chose, qu'est-ce que peut me rappeler? Personne ne se rappelle? Personne ne se rappelle pourquoi on doit connaître le prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? Anta la buddha an ta'tiya bi qalbik qabla an ta'tiya bi udhunayk wa 'aynayk. Tu dois venir avant ton cœur, avec ton cœur, avant même de venir avec tes oreilles et tes yeux. Wa anta al-an 'indama ta'ti ila mithli hadhihi al-majalis ta'ti li ta'rif alladhi yusiluka ila al-jannah. Quand tu viens dans ces assises-là, tu viens pour connaître celui qui t'a montré la voie qui va te faire arriver au paradis. Donc, la budda an yakuna qalbuka hadiran, ton cœur il doit être présent. Quand on parle du prophète, alayhi salatu wassalam, quand on parle de dunya, de ce bas monde, les gens ils écoutent, ils n'oublient rien. Et quand on parle du prophète, alayhi salatu wassalam, la plupart des gens ils oublient. Donc, on doit connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses, les raisons pour lesquelles on doit le connaître, annahu anna ma'rifatahu alayhi salatu wa sallam min a'zami ma yazidu al-iman. Connaître le prophète alayhi salatu wa sallam fait partie des choses qui font grandir le plus la foi. Les choses qui font accroître et qui rajoutent le plus la foi, c'est de connaître le rasoul al-iman. Le messager qui a été envoyé avec l'iman, qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, shama'il al-Nabi alayhi salatu wa salam, shama'il jam'u shimal, wal-maqsoudu min al-shama'il al-khisal al-tayyiba, min al-akhlaq wal-aqwal wal-a'mal al-saliha, awsaf al-Nabi alayhi salatu wa salam al-jamila, fi khuluqihi, fi khilqatihi. Donc le titre du livre, ça a été traduit par les qualités sublimes du prophète alayhi salatu wassalam. Shama'il, le mot en arabe, est le pluriel de shimal, qui veut dire les bonnes qualités, les bonnes descriptions, le bon comportement, toutes les bonnes choses. إذا كان الرجل حسن الخلق يقال عنه فلان حسن الشمائل. Quand quelqu'un a un bon comportement, on dit qu'il a de bonnes shama'il, il a des bonnes qualités. وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الشمائل. Les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleures. C'est pour ça qu'on va étudier ce livre-là, inshallah. Ce livre-là, il est composé de 56 chapitres et 415 hadiths. 56 chapitres, 415 hadiths. Mais tous les hadiths, ils ne sont pas tous authentiques. ليس كل الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب صحيحة لذلك نحن نقتصر على ذكر ما صح منها بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. Donc la plupart des hadiths, يعني surtout les hadiths qui ont été cités, il y en a qui ne sont pas authentiques. On va essayer de citer que les hadiths qui ont été authentifiés par l'imam الألباني رحمه الله تعالى. Au début de ce livre, il parle de la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va nous parler de ma yamlikuhu nabi alayhi salatu wa sallam, saifuhu, thiyabuhu, khatamuhu. Il va nous parler de son épée, de ses vêtements, de sa bague qu'il mettait. Thumma, après cela, il va nous parler de il va nous parler de ses comportements, de sa conduite, mu'amalatuhu ma'an-nas, comment il est avec les gens, alayhi salatu wassalam, thumma ibadatuhu. Ensuite, il va nous parler de ses adorations, kayfa kana yusalli, kam raka'at fil layl, kayfa kana yadhkurullah, combien de fois il priait la nuit, combien de fois il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma fi khatimati al-kitab yatakallamu 'an ru'yatihi fil manam. Et à la fin du livre, il va nous parler de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'en rappelle? On a dit la semaine dernière. Tawfiq? الشيخ يعني يبين في أول ذلك كيف صفة النبي صلى الله عليه وسلم كيف هو حتى إذا رأيته في المنام تعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني يكون هذا هو الشيطان يعني يتمثل لك في نعم exactement la réponse c'est parce que رأيته في المنام فرع عن معرفة أوصافه الخلقية c'est-à-dire que le voir le prophète alayhi salatu wassalam véritablement dépend de la connaissance physique qu'on a du prophète alayhi salatu wassalam. Ma akthar an-nas, beaucoup sont les gens qui disent ra'aytuhu fil manam, ra'aytu an-nabi alayhi salatu wassalam fil manam. Il dit j'ai vu le prophète en rêve. Ma ra'a an-nabi alayhi salatu wassalam fil manam. Ra'a ash-shaytan alladhi tashabbaha bihi. Ou ra'a ash-shaytan fi surati rajul laysat surati an-nabi alayhi salatu wassalam al-ma'rufa fil hadith. Il en fait, il n'a vu que Shaitan qui s'est fait passer pour le prophète alayhi salam en se donnant une forme qui est à peu près, mais qui n'est pas comme la forme du prophète alayhi salam. C'est ça que quand un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas, ja'a ilayhi rajul faqala lahu ra'aytu an-nabi alayhi salam fil manam. Faqala lahu sifhu li. Il lui dit j'ai vu le prophète en rêve. Abdullah ibn Abbas lui dit décris-le-moi. Comment tu l'as vu? فبدأ فجعل يصفه كما رآه في المنام. Il a commencé à lui décrire comment il l'a vu dans le rêve. فقال له عبد الله بن عباس لو رأيته فعلا أو حقيقة لما زدت عن أو على وصفه المعروف كما زدت الآن. Il lui dit si tu l'avais vraiment vu en rêve, tu n'aurais pas rajouté comme tu as rajouté maintenant. Donc il n'avait pas vu le prophète عليه الصلاة والسلام. والعلماء المعروفين بتفسير الرؤى وتعبيرها les savants qui savent interpréter les rêves إذا قال لهم رجل رأيته في المنام أول ما يسألونه عنه كيف كان صفه لي. Les savants qui interprètent les rêves, quand on leur dit j'ai vu le prophète dans le rêve, la première chose qu'ils disent comment il est, comment tu l'as vu. Avant de voir, d'expliquer le rêve, il voit d'abord si vraiment il l'a vu ou pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la semaine dernière, on a pris deux hadiths. Et on va les relire, inshallah. On va les relire, après on va continuer, on va essayer de terminer al-bab al-awwal, le premier chapitre, sur sifatun nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sur la description physique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier hadith qui est rapporté ici, hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa bit tawil al ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil adam wala bil ja'd al qatat wala bis sabt ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin وبالمدينة المدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Donc c'est le premier hadith qu'on a lu la semaine dernière. Le compagnon il nous dit كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ما معنى هذا؟ Jamais. Hein? Pas trop grand. Pas trop grand, hein? Appelle-toi Amar. Pas trop grand, oui. Wa qarib ila at-tawil, laysa bi tawil al-ba'in. Il n'est pas trop grand, il n'est pas petit. Yani wa qarib ila at-tawil. أقرب إلى الطول. أقرب إلى الطول. الطويل البائن الذي له زيادة في الطول. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il dit et le compagnon il dit que le prophète عليه الصلاة والسلام ليس له زيادة في الطول. ليس بالطويل الذي له زيادة في الطول. Il n'est pas trop grand. Il n'est pas grand à un point à être trop. ولا بالقصير. Il n'est pas petit. ولم يقول ولا بالقصير جدا لماذا لانه قريب للطول يعني انه اقرب الى الطول. Donc il n'a pas dit il n'est pas trop petit. Il a juste dit il n'est pas trop grand et il n'est pas petit. Pourquoi il n'a pas dit il n'est pas trop petit? Parce qu'il n'est pas petit du tout. Il est plus proche d'être grand que petit. Alayhi salatu wassalam. Hada ma yata'allaqu bi tawli. Ce qui est en relation avec sa taille, il est mutawassit al-qama, il est juste milieu dans la taille, lakinna tawlahu, lakinnahu aqrab ila tawl min al-qisar. Mais il est plus proche de grand, d'être grand que petit. قال ولا بالابيض الامهق وانا اخطات في هذا في الاسبوع الماضي. J'ai fait une erreur dans cette partie la semaine dernière. Il dit ولا بالابيض الامهق والابيض الامهق وهو الابيض الخالص اي ليس ابيض بياضا خالصا كما قلت خطا في الاسبوع الماضي. Donc je me suis trompé la semaine dernière dans cette partie dans laquelle il dit wala bil abyad al amhaq, c'est-à-dire il n'est pas le vrai sens ici, c'est il n'est pas blanc, il n'est pas très blanc, yani. Il n'est pas très blanc et sa blanche, il n'a pas une, comment on peut dire ça, khalis al bayad, foncé, là, hein. Yani, il n'est pas, il est blanc de peau, comme on va le voir dans les hadiths après, mais son blanc, il n'est pas blanc. Il n'est pas très, très, très, très blanc. Je ne sais pas comment traduire ça, j'ai du mal sur ça. Il n'est pas, on ne peut pas dire blanc foncé, ça ne se dit pas, mais vous m'avez compris. Alayhi salatu wassalam. الأبيض الأمهق هو الأبيض بياضا خالصا فليس بياضه خالصا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إنه يميل إلى الحمرة كما سنرى. Donc son blanc il n'était pas totalement blanc. Voilà, il n'était pas totalement blanc. Pourquoi? Parce qu'on va voir après que son blanc il avait un peu de rougeur. عليه الصلاة والسلام. Donc contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière, je me suis trompé. C'est une erreur, il faut le corriger. Wala bil adam, ma huwa al adam? Hein? C'est le bras. Yani, asmar. Asmar. Ouais, c'est ça. Salam. Il n'est pas asmar, il n'est pas mat, brun. Il n'est pas mat, alayhi salatu wassalam. Fa huwa abyad, lakinna bayadahu laysa khalisan, wa huwa laysa bi asmar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était blanc, mais pas d'un blanc total. Et en même temps, il n'était pas mat. Alayhi salatu wassalam. Qala, wala bil ja'di al qatat. Ma ma'na al ja'di al qatat? Hein? Al ju'uda. Al ju'uda, ou al ja'di al qatat, ma yata'allaku bil sha'r. فلان جعد قطط يعني شعره متداخل بعضه في بعض يعني الفتى عليه الصلاة والسلام il n'avait pas les cheveux crépus et frisés عليه الصلاة والسلام. C'est ça que ça veut dire الجعد القطط. طيب ولا بالسبط. ما معنى السبط؟ ولا مسترسل شعره متوسط ليس جعدا وليس مسترسلا. Ses cheveux n'étaient ni frisés et crépus, ni totalement raides. Kana mutawassitan fi sha'ri. Il était même de juste milieu dans ses cheveux, alayhi salatu wassalam. Donc, on vient de voir ce qui est en rapport avec sa taille, la couleur de sa peau et ses cheveux. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana. Allah en a fait un prophète envoyé à 40 ans. فأقام بمكة عشر سنين ونحن نعرف كم مكث في مكة 13 سنة. ما المقصود بهذا؟ المقصود أنه ألغى الكسر، يعني معنى أنه يقول عشرة ومقصوده 13. هذا أسلوب معروف عند العرب. Donc ici il a arrondi, il a dit il est resté 10 ans à Mecca et en fait c'est 13 ans. Il ne s'est pas trompé, il a fait exprès, c'est une façon de parler chez les Arabes pour arrondir. Quand on est plus proche de 10 ou de 20, on va dire 20, ou bien on va dire le chiffre d'en bas. le chiffre d'en dessous. Donc c'était 13, il a dit 10. Annahu ma'ruf, parce que c'est connu chez tout le monde qu'il est resté 13 ans à Mecca. Wa bil madinati 10 sinin, il est resté à Médine 10 ans. Wa tawaffahu Allahu ta'ala 'ala ra'si 60 sana. Et Allah l'a fait mourir après les 60 ans. À quel âge il est mort? À 63 ans. Alayhi salatu wassalam. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sha'ratan bayda. Il n'y avait pas dans sa barbe avant qu'il ne meure, alayhi salatu wassalam, 20 poils blancs. On tire quoi de ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Que les sahaba, radiyallahu anhum, ils observaient le prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'ils ont compté les poils blancs dans sa barbe. Est-ce que vous vous rendez compte, et akhwan? Vous vous rendez compte? Tellement qu'ils le regardaient, tellement qu'ils étaient... Ils admiraient, ils waqirun le Nabi alayhi salatu wassalam, ils ya'udun al-shu'ur al-bayda, sha'ri al-Nabi alayhi salatu wassalam. Ils comptaient les cheveux blancs dans la barbe du prophète alayhi salatu wassalam, wa hakadha yanbaghi an yakuna al-mu'min. Et le croyant, il doit être comme eux. Le deuxième hadith, et pareil, il est rapporté par Anas ibn Malik, radiallahu anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. أنس بن مالك دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. ما معنى ربعة؟ يقال ربعة ويقال مربوع أي متوسط في الطول. رجل ربعة أو رجل مربوع أي ليس بالطويل وليس بالقصير. متوسط القامة. Donc il était de juste milieu dans sa taille, il n'était ni grand et ni petit. Et on vient de voir dans le hadith d'avant, il n'était ni trop grand ni petit. Donc un homme qui est de taille moyenne en arabe, on dit il est rab'a ou il est marbou'a. Tout ça veut dire qu'il est de juste milieu dans sa taille. Hassan al-jism. Il avait un beau corps. Alayhi salatu wassalam. À un point où le compagnon, il regarde la lune, la nuit de pleine lune. Il regarde la lune, il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yanzuru ila al-qamar wa jamalihi. ثم ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجماله فيصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أجمل من كل شيء وأجمل من القمر. Donc le compagnon, il regarde la lune, il regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit le prophète est plus beau que tout, il est plus beau que la lune عليه الصلاة والسلام. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط. Et donc on vient de voir ici, ses cheveux n'étaient pas trop frisés et crépus, et il n'était pas raide. ثم قال أسمر اللون. وفي الحديث الأول ولا بالآدم أي ليس بالأسمر. كيف يقول ليس بأسمر ثم يقول هو أسمر. Donc dans le premier hadith, il nous dit que le prophète, il n'était pas mat. Et dans le deuxième, maintenant, il nous dit qu'il est mat. Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Exactement. Donc المقصود هنا بالسمرة الحمرة. الحمرة التي هي في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فهو أبيض وفيه حمرة. Donc ici quand il nous dit mat, il ne parle pas de ce qu'on connaît de ce mot. On connaît de ce mot quelqu'un qui est mat de peau. Il ne parle pas de ça. Il emploie ce mot pour parler d'autre chose, qui est la rougeur que le prophète il avait sur son visage عليه الصلاة والسلام. إذا مشى يتكفأ أي إذا مشى كأنه يمشي في نزول عليه الصلاة والسلام ينزل من منحدر. Le prophète عليه الصلاة والسلام, quand il marchait, on dirait qu'il descendait une pente عليه الصلاة والسلام لقوته في المشي كما سنرى. Avec de par la force qu'il a, la fermeté qu'il avait عليه الصلاة والسلام, quand il marchait, on dirait qu'il descendait une pente. Et quand tu descends une pente, est-ce que tu marches doucement? Tu marches vite. Et tu tiens avec tes jambes par terre pour ne pas glisser, pour ne pas tomber. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il marchait, on dirait qu'il descendait une pente. Que dire alors s'il descend une pente? alayhi salatu wa salam. Al-Hadith al-Thani. Et aujourd'hui, inshallah, on va rentrer dans le troisième hadith. Il y a des mots difficiles. Il y a des mots qui sont difficiles dans la description du prophète, al-salatu wassalam. Taïb. An al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhu, yaqul, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذني عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. البراء بن عازب fait partie des sahaba du prophète, des compagnons رضي الله عنهم. C'est lui qui a rapporté le hadith qui est connu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit ce qui va se passer pour chaque personne après la mort, à partir du moment où l'âme elle sort de son corps jusqu'à ce qu'elle monte dans le ciel, et après que les anges Munkar et Nakir viennent, l'interrogatoire dans la tombe, tout ce qui va se passer dans la tombe après la mort. C'est le Bara ibn Azib qui nous a rapporté ce hadith qui est très connu. Ce compagnon, il nous dit, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. Le prophète عليه الصلاة والسلام était مربوع. Qu'est-ce que ça veut dire? Taille moyenne. Il était de taille moyenne, عليه الصلاة والسلام. بعيد ما بين المنكبين. Et maintenant il nous donne une nouvelle information. بعيد ما بين المنكبين. ما هو المنكب؟ المنكب. Comme ça. Hein? بالعربية. الذي يعرف العربية الكتف. لا المنكب ليس الكتف. المنكب مجمع الكتف والعضد. هذا هو العضد وهذا هو الكتف. مجمعه هذا يسمى بالمنكب. فهمتم؟ كتف عضد منكب. زي كومبري ان عربي يا لو مو عضد qui veut dire le bras à ce niveau-là, là, au niveau du muscle qui s'appelle le biceps et le triceps de l'autre côté, et le katif, c'est l'épaule. Et l'endroit où les deux ils se rassemblent, c'est-à-dire ici, là, ce qu'on appelle al-mankib. Le prophète, alayhi salatu wassalam, kana ba'idama bayn al-mankibayn. المقصود أنه كان عريضا في أعلى ظهره عليه الصلاة والسلام. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était large dans le haut de son dos. D'accord? C'est-à-dire que l'endroit où l'espace qui séparait ses épaules, hein, à ce niveau-là dans les épaules, c'était très large alayhi الصلاة والسلام. فلأنه كان قويا عليه الصلاة والسلام. Le prophète, il était fort, alayhi salatu wassalam. Et à un point où ses épaules, elles étaient bien élargies et bien écartées. C'est-à-dire que son dos, en haut, il avait un dos très fort. Alaykum salam. Alayhi salatu wassalam. Thumma qal, azim al-jummati ila shahmati udhunay. Ma hiya al-jumma. Ensuite, il nous dit, ce qu'on va expliquer d'abord en arabe et ensuite en français. Al-jumma. هذا ما يتعلق بشعره عليه الصلاة والسلام. الشعر في لغة العرب بحسب طوله وبحسب يعني بحسب طوله له صفات. شعر يسمى بالجمة، شعر يسمى باللمة، شعر يسمى بالوفرة. Donc il y a trois noms employés chez les Arabes qui nous parlent des cheveux en fonction de la taille qu'ils ont. En fonction de la taille qu'ils ont, il y a ces trois noms-là en arabe. Jumma, Limma, Wafra. Donc, quel est le sens de ces trois mots? Et ces trois mots, ils sont venus, كل هذه الأسماء جاءت في وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام. Ces trois mots, ils sont venus nous décrire les cheveux du prophète عليه الصلاة والسلام. Al-Jumma, الشعر النازل إلى المنكبين. Premièrement, al-jumma, wa huwa aktharuha. les cheveux les plus longs, c'est ce qu'on appelle en arabe al-jumma. Et al-jumma, c'est les cheveux, c'est le nom qu'on donne aux cheveux quand ils descendent jusqu'aux épaules, jusqu'à l'endroit qui relie les épaules et le bras ici. Les cheveux, quand ils arrivent là, on appelle ça en arabe jumma. On n'a pas besoin de dire al-sha'r alladhi yanzilu ila minkibay. Là, عند العرب عنده اسم هذا الشعر اسمه jumma. En arabe, il y a un mot pour définir les cheveux qui arrivent jusqu'aux épaules, ça s'appelle jumma. Le deuxième mot, al-wafra. Al-wafra huwa al-sha'r alladhi yanzilu ila shahmati al-udhun. Deuxième mot, c'est al-wafra. C'est un mot qu'on donne aux cheveux qui descendent au lobe de l'oreille. Al-juz al-yasir hadha fi al-udhun. Yusamma shahma. Al-sha'r ila nazala ila shahma. Yuqal fulan lahu wafra. On appelle une personne, ou on dit d'une personne qui a les cheveux jusqu'au lobe de l'oreille qu'elle a ce qu'on appelle l'arabe wafra. Et le troisième mot, c'est limma. Limma huwa al-sha'r alladhi alamma bil mankibayn. Et limma, ce nom-là, c'est un nom que l'on utilise pour les cheveux quand ils se rapprochent des épaules. Quand ils se rapprochent des épaules. Donc on a celui qui descend jusqu'aux épaules, on a celui qui arrive au lobe de l'oreille, et on a celui qui se rapproche des épaules. Et tous ces noms-là, et tous ces cheveux-là, ils ont un nom particulier dans la langue arabe. Ici, allez comme ça là. Ici, le compagnon, il nous dit, عظيم الجمة إلى شحمة أذني. On vient d'apprendre que le mot جمة veut dire الشعر الذي ينزل إلى المنكبين. وهو يقول عظيم الجمة إلى شحمة أذني. On vient d'apprendre que le mot جمة est utilisé pour les cheveux qui descendent. Il ne faut pas rentrer chez les femmes. On emploie le mot جمة pour les cheveux qui descendent jusqu'aux épaules. Et là, il nous dit que le prophète, il avait une très forte jumma jusqu'au lobe des oreilles. قَصْدُهُ هُنَا بِكَلِمَةِ جُمَّةِ الشَّعْرِ أي عظيم الشعر إلى شحمة أذني. لأن العرب يستعملون أحيانا الكلمات يريدون بها غير معانيها. Et ça, c'est connu chez les Arabes qu'ils emploient des fois des mots et qui veulent dire autre chose par ça. Et notamment ici. Donc, en résumé, ça veut dire que le prophète alayhi salam avait beaucoup de cheveux jusqu'à ses oreilles. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas tout le temps comme ça. Il n'était pas comme on va le voir inshallah, sa coupe, sa chevelure, elle change. Il n'avait pas tout le temps les cheveux jusqu'aux oreilles. Ensuite, il yaqul alayhi hullatun hamra. Ma hiya al-hulla? Huwa al-libas al-mukawwan bi juz'ain karrida wal izar. Al-hulla en arabe, c'est le nom que l'on donne au vêtement qui est composé de deux parties, d'accord. Al-qamis laysa hulla, le qamis on n'appelle pas ça hulla en arabe. Mais si tu mets un panier, le vêtement que tu portes par dessus, et ensuite l'izar, à ce moment là on dit fulan lahu hulla. Donc le prophète alayhi salam avait un vêtement rouge, donc qui était composé de deux pièces, alayhi salatu wa salam. Wa jaa fi ba'd al-hadith an-nahyu 'an libs al-ahmar min al-libas. Et le prophète alayhi salam nous a interdit de porter les vêtements rouges. Madha naqul? Qu'est-ce qu'on dit ici? Le compagnon nous dit que le prophète alayhi salam avait un vêtement rouge composé de deux pièces, et le prophète lui-même nous interdit de porter les vêtements rouges. Que okay. Non. Parce qu'au début c'était pas interdit et après. Là. Le premier, il a dit parce que c'est un vêtement de une pièce. La réponse n'est pas ça. Deuxième, il a dit parce qu'au début c'était interdit, après ça a été permis. Ça arrive dans la sunna, mais là non. La prière, khasbihi là. C'est propre au prophète, à l'assassin, non. Là, c'est pas un cadeau qu'on a donné au prophète alayhi salam. يلبس الاحمر ويقول لا يجوز لبس الاحمر. Les rouges, c'est pas toutes les rouges, c'est-à-dire les vêtements rouges. خالد ليس بأحمر خالص. هذا هو بارك الله فيك. لا يجوز لبس الأحمر الخالص الحمر الحمرة، وإلا فالأحمر الذي يخالطه لون آخر يجوز لبسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الأحمر الذي معه لون آخر. Donc le rouge qui est interdit c'est le rouge pur. Mais le vêtement rouge qui est mélangé d'une autre couleur, on a le droit de le mettre. Et c'est celle-là que le prophète alayhissalam portait. Alors que le rouge pur, il est interdit de le porter dans les vêtements. Hein? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Je ne sais pas pourquoi. Qala, ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu. Ensuite, il dit, le compagnon, je n'ai jamais vu quelque chose de mieux ou de plus beau que lui. لماذا قال شيئا ولم يقول ما رأيت إنسانا قط أحسن منه؟ Pourquoi il a dit je n'ai pas vu quelque chose de plus beau que lui? Pourquoi il n'a pas dit, au lieu de dire ça, je n'ai pas vu un homme plus beau que lui? Parce qu'il a tout englobé. هذا هو لأنه أجمل من كل شيء عليه الصلاة والسلام parce qu'il est plus beau que tout عليه الصلاة والسلام. ثم قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه. قط هذه الكلمة يستعملها حتى يقول لك على وجه الاستمرار دائما. ما رأيت في كل أيام حياتي ما رأيت أبدا ما هو أحسن وأجمل من النبي عليه الصلاة والسلام. donc il dit tout au long de sa vie. Il dit tout au long de sa vie, je n'ai jamais vu quelque chose de plus beau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce combien de temps? On va prendre un dernier hadith, inshallah. Le quatrième hadith. Il est rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Qala ma ra'aytu min dhi limmatin fi hullatin hamra ahsana min rasulillah alayhi salatu wassalam lahu sha'run yadribu mankibay ba'idu ma bayna al-mankibay lam yakun bil-qasir wala bil-tawil. Huna tudrik أنهم اتفقوا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالقصير ولا بالطويل. Donc ils sont tous unanimes sur le fait que le prophète il était moyen dans sa taille. Dans le quatrième hadith, Al-Bara ibn Azib il dit ما رأيت من ذي لمة أي من صاحب لمة. اللمة عرفناها هو الشعر الذي ألم بالمنكبين. طيب ومقصوده هنا الشعر. ما رأيت صاحب شعر في ثوب أحمر في حلة حمراء أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. Le compagnon ici il dit je n'ai pas vu quelqu'un qui a une belle chevelure comme lui, yani quelqu'un qui a cette chevelure dans un vêtement rouge comme le prophète عليه الصلاة والسلام plus beau que le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. له شعر يضرب منكبيه. Il dit ses cheveux frappaient ses épaules, yani ils arrivaient à toucher ses épaules. Donc ici le mot limma il est bien dans son sens. Ba'iduma bayna al-mankibayn, l'espace qu'il y a entre ses épaules était large, il était écarté. Donc on voit que le haut de son dos alayhi salatu wassalam il était bien large et il était fort sallallahu alayhi wasallam. Lam yakun bil qasir wa la bil tawil. Il n'était ni petit et ni grand. Et ici il n'a pas dit tawil al ba'in, il n'a pas dit trop grand. Parce que c'est une chose connue. Le cinquième et dernier hadith et on s'arrête là inshallah. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسروبة إذا مشى يتكفأ تكفؤا ك كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. Donc le compagnon il dit, donc c'est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, ici il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni grand et ni petit. Ensuite il dit shathnul kaffayni wal qadamayn, et le sens de ce mot là est ghalidhul kaffayn wal qadamayn alayhi salatu wa salam fihi quwwa. Le prophète alayhi salatu wa salam il avait des grosses mains et des gros pieds alayhi salatu wa salam. Wa laysa ma'na hadha anna yadahu khashina bal jaa fi ba'd al hadith annaha alyan min al harir wa fi hadha bayan anna Allah azza wa jalla jama'a fihi akmal al awsaf alayhi salatu wa salam. On voit comment Allah il a créé son prophète alayhi salatu wa salam, parce que dans ce hadith Ali ibn Abi Talib il nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam avait de grosses mains et des gros pieds, et en même temps lorsqu'on entend qu'il a des grosses mains et des gros pieds, ça ne veut pas dire que ses mains elles sont raides ou elles sont trop dures. Au contraire, dans un hadith le compagnon il dit que ses mains elles étaient plus douces que la soie. Et on voit dans ça comment Allah il a parfaitement créé son prophète alayhi salatu wassalam. فَجَعَلَهُ مُتَوَسِّطًا حَتَّى فِي جِسْمِهِ فَجَسَدَ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِيهِ بَرَكَةً. Il y a une grande baraka, une grande bénédiction dans le corps du prophète alayhi salatu wassalam, car ses mains elles sont très grosses, elles sont grosses, pareil pour ses pieds, et pourtant elles sont plus douces que la soie, alors qu'il y a des gens qui ont des mains très très fines et pourtant elles sont dures quand ils te serrent la main, et le contraire. Mais le prophète alayhi salam lui il avait des mains très fortes et en même temps elles étaient douces alayhi salatu wassalam. Dakhmur ras, donc ici on voit que rasu nabi alayhi salam rasun dakhm, la tête du prophète sallallahu alayhi wa salam elle était large alayhi salatu wassalam. Dakhmul karadis, le maqsoud bil karadis atraf. الكراديس رؤوس العظام أطراف العظام. Le prophète عليه الصلاة والسلام il avait يعني comment on peut dire ça en français, ce qui est voulu par le mot le karadis c'est ses coudes, ses genoux, يعني tous les sommets des os, tout le haut, hein, les, on peut dire les articulations, le bout de l'articulation, le sommet, le haut de l'os. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كانت عظامه قوية alayhi salatu wa sallam, il avait des os qui étaient durs, qui étaient forts alayhi salatu wa sallam. قال طويل المسروبة. المسروبة هي الشعر الذي ينبت من الصدر وينزل حتى السرة عليه الصلاة والسلام. فكان له شعر من صدره هكذا حتى السرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait des cheveux, c'est-à-dire des poils, pardon, qui partaient de la poitrine et qui descendaient jusqu'au nombril. Yani il avait un trait de poils ici qui descendait jusqu'au nombril sallallahu alayhi wa sallam. إذا مشى يتكفأ تكفؤاً. Lorsqu'il marchait, كأنه يمشي في نزول. لذلك قال كأنه ينحط من صبب. المقصود بالصبب ما نزل وانحط من الأرض. أي كأنه يمشي في نزول. عليه الصلاة والسلام. Quand il marchait, on dirait qu'il descendait une pente. عليه الصلاة والسلام. لم أرى قبله ولا بعده مثله. Et il dit, je n'ai pas vu quelqu'un comme lui, ni avant lui ni après lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un semblable au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter là, ensuite on va terminer la semaine prochaine inshallah, et ça serait bien que les frères, pour se rappeler de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre chez lui il prend un stylo et il essaye de se rappeler comment il est le prophète alayhi salatu wa sallam. Et ça c'est Cheikh Abdul Razak Al-Abbad, celui qui explique le livre, qui conseille de faire ça. Il dit que le musulman, quand il entend ces hadiths là, il essaye de se rappeler. Comment il fait? Il prend un stylo et une feuille. ويكتب كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل باين ولا بالقصير. Il essaye d'écrire comment était le prophète. Il essaye de s'en rappeler. Et à force d'écrire, il va s'en rappeler. Comme si qu'il l'a vu. عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل التوفيق لكل خير وأن يغفر لنا ويفقهنا في الدين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك.